arriva la famiglia. Beaucoup ne savent plus de quoi ils parlent, ont perdu le sens de la famille. Aujourd'hui te cite membre de leur famille, demain te laisse tout seul dans la mer. J'ai fait la part des choses, je sais sur qui compter maintenant. C'est avec qui je suis tombé, ceux qui m'ont aidé à me relever. C'est avec qui j'ai fait les 400 coups, ceux avec qui j'ai fumé quelques, ceux avec qui j'ai traîné dans la mer, ceux avec qui j'ai ramé dans les eaux troubles. Avec la familia, je partage mes biens. Ils en ont besoin, je leur prête mes bras. Famille nombreuse avec tous ses avantages. Frérot, solidarité oblige, je l'ai compris avant l'âge. Pour tous ces matins sous tension, submergé par mes démons, je demande pardon pour toutes les fois où j'ai fait mal avec des mots. C'est la famille qui te donne la force d'aimer, et c'est dans ces volants que ma foi on se démerde. Ta famille, protège-la, c'est un devoir. Si tu la renies, tu le paieras, c'est à toi de voir. Les clés du paradis sont sous les pieds de ta mère. Aucune femme sur terre n'est prête à faire ce qu'elle est prête à faire pour toi. C'est facile de fonder une famille, mais le plus dur est de la garder unie. Alors honore le nom de ton père, les origines, ta culture, tes coutumes, tes valeurs. Ça c'est pour la famille, c'est pour les frères qui sont partis plus loin que les mille nuits. C'est pour ma famille, ma seconde familia, PPS là, PPS. Une sœur me dit frère d'adoption de Bel Air, à Saint-Pry-Prière, frère vénère ta famille, la chose la plus importante sur cette terre. Alors fais pas de manière quand ta madame te demande une petite galère. Unis est un symbole d'amitié. On a toujours cru que rien ne pourrait nous ébranler. Mais le destin a tracé nos chemins. Et beaucoup ont pris d'autres routes. Certains sont là-haut, alors ont pris le ciel. De leur demander de veiller sur nous et nos familles. Une pensée pour tous ceux qui sont partis beaucoup trop tôt. On les prie de nous garder des places bien au chaud. Laisse-moi faire l'éloge des gens que j'aime et qui me le rendent bien. Laisse-moi parler de ceux qui me soutiennent, quels que soient les revers. La famille, la frère, celle en qui on peut toujours avoir confiance, se confier sans méfiance. Sur qui compter en cas de pépin, sourcils froncés. Quand tu pars en sucette, t'exerces du chemin. Acquiesce quand tu te mets bien, te supporte quand tu fais plus. En cas de faillite, te sert de béquille quand ton équilibre fait plus. Ok, la familia doit supporter les coupables. Écoute pas les rumeurs et coupables de connivence envers toi. Je suis entouré de mes sauces, de mes potes, mes frères, mes amis. Ça c'est la famille, ça. Ça c'est la famille, ça. Ça c'est ma famille, ça. Ça c'est ma famille. Je suis entouré de mes sauces, de mes potes et de mes frères. Ça c'est la famille, ça. Ça c'est la famille, ça. Ça c'est ma famille, ça. Ça c'est ma famille. Pour nos familles respectives, pour nos cœurs, la.